La matinale. La matinale, pardi. Ah que oui, la matinale. Écoute les oiseaux qui chantent, ils se réveillent. Réveille-toi avec eux. Francis Cabrel. Hera Christophe. Chimène Palliade. Surtout. Michel Polnareff. La Garonne. Le Lot. Et Garonne. Agen. Bruno d'Agen. Julien Burno d'Agen. Griffouille. Félix Soulard. La matinale. La matinale. La matinale, pardi. Bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs, et bonjour, Chloé Soulard. Et bonjour à tous. Bienvenue, à Chloé Soulard, dans la matinale. Enfin, j'ai envie de dire plutôt bienvenue à moi dans la matinale. Et bien oui, c'est un exercice que je connais bien, puisque c'est vrai que j'ai été animatrice de la matinale pendant tout le confinement. Donc, je suis ravie de retrouver ce programme à cette heure aussi. Alors, Chloé, on parle avec une voix douce parce que nous sommes seulement trois personnes réveillées dans la maison. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas où est la troisième personne qui était réveillée, qui peut-être aux toilettes, peut-être nous entend depuis des toilettes. Si tu nous entends, bah, bonjour à toi. et en effet, nous sommes les seuls réveillés, nous sommes les seuls à avoir pu avoir profité de ce petit déjeuner de champion. Alors, Chloé, parlez-nous de ce petit déjeuner de champion. Ah, mais avec plaisir. Ce petit déjeuner, il est incroyable. Je viens de m'en faire moi-même. Oh. Et je peux vous le dire, je vous le dis, je vous le redis pas. Oh putain. Il était super. Eh bien, nous avons des produits du Lot-et-Garonne. Et oui, je me fous pas de votre gueule. Nous avons un petit jus de pomme qui vient d'une ferme du Lot-et-Garonne. D'accord. Sur des pommes bio qui sont produites dans le Lot-et-Garonne. Et nous avons également des petites bêtises à grignoter, telles que des céréales tout choc. Tout choc, tout au chocolat. Oui. Et d'autres. Moi, en chocolat, mais comme avec beaucoup de chocolat. D'accord. Avec des noisettes qui sont du Lot-et-Garonne, produites dans le Lot-et-Garonne, évidemment. C'est très sympathique. Ainsi qu'une super pâte à tartiner Lucien Georges Leng, qui est aussi un produit du Lot-et-Garonne, avec des noisettes du Lot-et-Garonne. C'est vraiment très, très bon pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Je vous le conseille vraiment, c'est super. Alors, on aurait peut-être dû demander un partenariat, un sponsor avec Lucien Georges Leng. C'est vrai, ça aurait été vraiment super, ça aurait été une super idée peut-être pour l'année prochaine, on pourra leur demander. Nous avons également du chocolat en poudre, pour ceux qui veulent se faire un petit cacao chaud, parce que c'est vrai qu'à la Rouxière actuellement, il ne fait pas super super au niveau du tang. Un petit chocolat chaud, ça réchauffe les cœurs, ça réchauffe les estomacs, c'est gourmand, c'est croquant, c'est magnifique. Vous Donc, avez chocolat noisette, évidemment. Et puis nous avons du lait de noisette, du lait de vache également pour ceux qui préfèrent, mais on a du lait de noisette. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique, Chloé, merci pour cette description du petit déjeuner. Je suis actuellement en train de boire un petit café. Et moi je suis actuellement en train de boire un petit thé qui réchauffe les cœurs. On commence cette journée vraiment en douceur, Chloé. Tout à fait. Alors si je peux me permettre, on va tout de suite aborder ce sujet qui est très important, c'est le programme. Chloé, de la journée. Alors, on a déjà détaillé le programme à nos auditeurs hier, mais nous tenions à dire qu'il y avait un peu de changement. Et bien sûr, on partagera ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Tout à fait. C'est important de tenir les gens au courant. Alors, la météo n'est pas favorable aujourd'hui, Chloé. Écoutez, c'est un fait. C'est comme ça. On n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Autant trouver des alternatives qui nous conviennent à tous et passer un bon moment. Oui. Et l'alternative que je vous propose, eh bien, c'est au lieu d'aller au Mambert faire un pique-nique, c'est de faire le pique-nique directement à l'étarderie. Comme ça, vous êtes sur place. Donc, je rappelle, bien sûr, d'amener des choses pour ce midi. Tout à fait. Nous prévoyons le repas du soir, mais pour ce midi, c'est auberge espagnole, donc chacun ramène quelque chose. À la bonne franquette, comme on dit. Ensuite, il y avait une balade de prévu. Alors la balade, bien sûr, on verra en fonction du temps. Tout à fait, tout à fait. Mais nous avons une autre activité à proposer, Chloé. Vous avez déjà oublié une lecture. Oui, bien sûr. Bah oui, pardi, j'avais déjà oublié. Qu'est-ce que c'était? Oui, pour ceux qui veulent tranquillement, vous savez, pour ceux qui veulent se détendre en écoutant une histoire. Tout en s'instruisant, et ceux qui aiment les podcasts ou des choses comme ça. Moi, je vous propose la lecture... du fameux magazine Society. Laissez donc le câble, Chloé. On verra ça tout à l'heure. On va faire une pause musicale. Comme D'accord. ça, vous aurez le temps de Bref, voir ça. Un super magazine, une super enquête de Society sur le fameux XDDL, connu sous le nom de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous allez donc nous lire un petit bout de la première partie. Exactement, pour vous mettre en bouche, pour vous donner envie de lire la suite, pour que vous vous instruisiez également, hein, puisque c'est une tragédie qui n'est pas du Lot-et-Garonne, évidemment, mais qui est du 44, voilà. Tout à fait. Alors, Chloé, on parlera peut-être plus tard de crimes qui se sont produits dans le Lot-et-Garonne. Bien sûr, vous y connaissez un petit peu, je crois. J'aime bien les faits divers, c'est vrai. On a Douglas Wilson qui nous écoute en ce moment même et il part pour faire un footing. Alors, est-ce qu'on peut lui dire quelques mots ? Eh bien, déjà, on lui dit bravo pour oui. cette motivation, cet engagement, vrai. Puisque nous, on est à 1000 lieues de le faire, évidemment. Bravo. J'espère pour vous qu'il fait beau, que les os chantent. En tout cas, c'est une très bonne idée, Douglas. Vraiment, encore ça dans un esprit 5, c'est tout ce qu'on n'arrête pas de vous répéter depuis le début, c'est super. Alors Chloé, on va faire une petite pause musicale si vous Allez, permettez, c'est parti. Avec un artiste bien sûr Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne évidemment. Que tout le monde connaît, c'est Francis Cabrel. C'est Francis Cabrel en effet, Francis Cabrel. Il est d'Astafort. Et Astafort c'est dans le Lot-et-Garonne, hein, c'est dans les 47. Alors qu'est-ce qu'on c'est peut dire au sud d'Agen. Ce qu'on peut dire sur Francis Cabrel, est-ce qu'il a un album qui arrive bientôt? Tout à fait, il a un nouvel album qui sort le 16 octobre évidemment. On l'attend avec impatience. Ah que oui. Et on espère pouvoir le voir sur scène bientôt. Voilà, avec ou sans masque, c'est pas grave. Alors, à noter dans vos agendas qui sera au Parc Exposition d'Agen les 7 et 8 décembre. J'ai vu ça ce matin dans le petit bleu. Alors, ça, c'est magnifique parce que vraiment, je pense qu'il faut y aller tous ensemble pour aller voir Francis Cabrel. Il faut y aller. Un monument historique. Tout à fait. Il est incroyable. Il faut y aller. Et attention, il faut se dépêcher pour acheter les places. Ah oui, pardi, ça va partir vite. Je peux vous dire que la dernière fois qu'il a fait un concert à Agen, j'ai voulu y aller et il n'y avait plus de place. Oh, il faut prendre vite. Alors il y a monsieur Léo Boiteau qui s'est levé, je ne sais pas s'il veut s'asseoir avec nous. Il s'installe. Alors attendez, je vous allume le micro, allez-y. J'en voulais m'asseoir, mais il y avait une tasse de thé bien chaude sur ma chaise. Ah. Si je m'assois dessus, eh bien je me serais brûlé l'arrière-train. Alors Léo, vous arrivez pile à temps pour la pause musicale, ça tombe bien. Parfait, qui j'introduis comme artiste? Eh bien, le Lot-et-Garonnais que tout le monde connaît, que tout le monde adore, Francis Cabrel. Bien sûr, Francis Cabrel, connu pour des titres tels La Corrida, ou Encore et Encore, ou bien Je l'écrirai à l'encre de tes yeux, ou enfin Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est vraiment depuis le début, nous on s'est dit, oh, la femme de Francis Cabrel, elle a de la chance. Ah, elle a de la chance, c'est la femme de Francis Cabrel. Elle a vécu avec un homme qui portait la moustache divinement bien. C'est vrai. Hein, et il ne porte plus la moustache malheureusement. Il faut savoir évoluer dans la vie, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et est-ce que je peux dire une anecdote personnelle, si ça ne vous dérange pas? Tout à fait. Alors un jour j'étais à Radio Bulle, donc mon lieu de travail, et on devait interviewer quelqu'un d'Astafort pour un concert ou un festival, je ne sais plus, bref, un événement qu'on devait faire une interview pour en parler. Et qui devait venir? Martine Cabrel, la sœur de Francis Cabrel. J'ai donc rencontré la sœur de Francis Cabrel. Voilà, c'est ça mon anecdote. Je l'ai mal racontée. C'est magnifique que vous êtes à une personne de Francis Cabrel. Oui, c'est quand même c'est magnifique, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que moi, je n'ai aucune personne qui connaît Francis Cabrel. Moi non plus, mais j'ai goûté le vin qui vient des plantations de Francis Cabrel que notre directrice des programmes m'a offert pendant une soirée. Et écoutez, le vin de Francis Cabrel est aussi doux que ses chansons. Oh, waouh! Eh bien, je ne sais pas si on peut en acheter dans le coin, mais en tout cas, je vous ramènerai une belle bouteille à l'occasion. Hein, ça ferait bien plaisir. Allez, on va écouter une petite chanson de Francis Cabrel. On se retrouve juste après pour continuer cette matinale en douceur, parce que là, la maison est encore endormie. Nous ne sommes que trois réveillés. À tout de suite. Ah, ça ne marche pas. Ah, je suis embêtée peu avec les lancements de chansons, là. Je crois qu'il y a un petit problème, le logiciel. Est-ce que vous pouvez... On peut la chanter s'il faut. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, quelqu'un c'est pas magnifique. Quelqu'un a poussé le verrou. J'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et des gens autour. Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie. Je me souviens des prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. où je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du sombrero. Sombrero, la femme du sombrero, j'ai dit. Oui. Sur ses deux oreilles. Ah bah, un sombrero, tu le mets sur tes deux oreilles. Eh oui. Attendez. Alors, il n'y a pas de femme. Je mets avec mon téléphone. Normalement, on devrait entendre la musique. Bien sûr. De quoi? Ah bah oui, vous êtes en direct, Chloé. Je n'ai pas lancé la musique, vous n'entendez pas de musique. La réalisation. Bon, on revient tout de suite, chers auditeurs. J'ai donné ma meilleure vibe. Alors, la corrida. On va écouter un petit Francis Cabrel comme prévu. On se retrouve juste après. Ah voilà, on peut continuer à parler sur la musique. À tout de suite, chers auditeurs. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, je l'aime mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes dans des sabots de bois, je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime mourir. La matinale. La matinale, pardi. Ah que oui, la matinale. Écoute les oiseaux qui chantent, ils se réveillent. Réveille-toi avec eux. Francis Cabrel. Et Ranistafor. Chipène Palisade. Sur tout. Michel Le Polnareff. La Garonne. Le Lot. Et Garonne. Agen. Bruno d'Agen. Julien Burnot d'Agen. Griffouille. Félix Soulard. La matinale. La matinale. La matinale, pardi. Vous êtes dans la matinale de Roux, du Rock FM. Je suis avec Chloé Soulard, Léo Boiteau, et il y a monsieur Alain Soulard qui vient de se lever. Peut-être qu'il nous rejoindra tout à l'heure. Il est en train de se servir un café et se fait des petites tartines. Tout ce qu'il faut pour bien commencer la journée, n'est-ce pas, cher co-animateur? Tout à fait, il se fait des tartines, j'espère qu'il se fait des tartines avec la pâte à tartiner Lucien Georgelin, parce que c'est quand même le thème de la journée. Le thème étant la noisette et non pas Lucien Georgelin. Non, mais le Lot-et-Garonne. Alors, il y a quelques interférences à des téléphones, il y a des ondes dans l'air, mais ce n'est pas grave. Chers amis, avant de passer à l'éphéméride de ce jour avec Chloé Soulard, je vous propose une petite météo rouxiroise. La météo. La météo. La météo. Roux du Rock FM. C'est la météo. Roux du Rock FM. Pour pour la météo locale d'aujourd'hui. Il fait actuellement 13 degrés à La Rouxière. Il y a un peu de brouillard, un peu d'humidité dans l'air. Au niveau du vent, on est à 15 km/h. Cet après-midi, il fera 18 degrés, mais il y aura de l'orage, alors attention. Comme on vous disait tout à l'heure, le programme de la journée se fera en fonction de la météo. En soirée, il fera un temps plutôt ensoleillé avec 16 degrés, et cette nuit, il fera 11 degrés. Pour la journée de demain, il fera 12 degrés le matin, 19 degrés l'après-midi, et il n'y aura pas de pluie demain, donc c'est plutôt positif pour la météo. Aujourd'hui, nous fêtons je ne sais pas quelle fête parce que je ne me suis pas renseignée. Voilà, pour la météo de ce jour. La météo. La météo. La météo. Roux du Rock FM. C'est la météo. Roux du Rock FM. Alors, on continue cette matinale. Je me tourne vers mes co-animateurs. Je ne sais pas ce qui se prépare. Est-ce que vous pouvez me dire... Écoutez, je suis en train de chercher les petites choses qui se sont passées en 29 août, mais... Alors, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je ne capte rien dans cette cuisine fada. Je suis en train de le capter, moi. J'arrive à le changer. Eh bien, écoutez, si vous voulez, moi, je peux vous faire un petit point. Alors, il y a un qui est en train de nous souffler une information essentielle. C'est l'anniversaire, c'est les 125 ans de sa... 125 ans 124 ans de sa grand-mère qui est née aujourd'hui, il y a 124 ans. Et en 1896, dit-il. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Merci, c'était Alain. C'était qui? C'était mes mères ou c'était grand-maman? C'était mes mères. On va voir si... On l'embrasse. On l'embrasse, bien évidemment. Il y a Hubert Félix Typhon qui nous a rejoint sur le Discord. Il y a de l'orage hier soir, mais c'est trop cool. Alors oui, du coup je disais tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas avec nous, Douglas Wilson est parti pour faire un footing. Alors peut-être qu'il nous écoute en ce moment, on l'encourage. On aimerait bien... Allez, vas-y, fonce gaming, c'est super ce que tu fais. Exactement. Alors je me tourne vers mes co-animateurs pour savoir qu'est-ce qui se prépare. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on peut faire des petites choses... on peut dire un petit peu. Mais pour ça, il faut quand même Internet. Bon, c'est fatigant. Si vous voulez, j'ai tout un horoscope de préparer. Vous pouvez me lancer un petit jingle. Je n'ai pas fait de jingle d'horoscope. Vous savez celui, le petit jingle qui était prévu sur vous. Ah. Alors attendez, il faut que je le trouve. C'est comme parti. Ça, je peux parler de ça, de vous. La birthday girl habite dans le 47. La birthday girl habite dans le 47. Et je vais lui dire ses 47 vérités à la coquine. Pardi, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Eh, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Je te le dis, je te le redis pas. Ajeng, pardi. La coquine. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire tes 47 vérités et tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. La birthday des girls, elle habite dans le 47. La coquine. Une émission de Roux sur Rock FM, proposée par Chloé Soulard. Alors, pardi. Oh, mais qu'est-ce que c'était ? Vous habitez dans le 47, vous ? Je rappelle à nos auditeurs qu'avant d'habiter dans le 47, vous habitiez dans le 44. Et vous savez ce qui s'est passé dans le 44 ? Dites-moi. Avril 2011, XDDL assassine tous les membres de sa famille ainsi que les deux chiens. Quatre enfants, sa femme et les deux chiens. Vous vous rendez compte ? Il les tue, il les met sous sa terrasse. Il creuse, il les met sous sa terrasse. Vous vous rendez compte ? Et après, il s'enfuit, le coquin. Et vous ? Où étiez-vous à ce moment-là, alors, madame ? Où étais-je ? J'étais au lycée, je me souviens très bien des journaux qui sont parus pendant ces semaines-là. J'étais au lycée, je peux le prouver avec un collègue qui est assis à cette table, qui était au lycée également, qui se souvient très bien de me voir au lycée, les 3 et 4 avril 2011. Juillet 2020, un homme fonce dans la gendarmerie pour éviter un contrôle de police. Où étiez-vous à ce moment-là ? Quand ça ? Juillet 2020. Oui, mais où étiez-vous en pardi dans le Lot-et-Garonne? Dans le Lot-et-Garonne. évidemment. Eh bien, je vous dis, je crois, à Villeneuve-sur-Lot. C'est à Aiguillon. C'est pas loin de chez vous, Aiguillon. C'est pas loin, je sais. C'est la sortie de l'autoroute, Aiguillon. Vous savez, si je peux étaler un petit peu mes savoirs, c'est le premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur de notre cher ministre de l'Intérieur, Darmanin. Ah là là. De son prénom Gérald, un prénom qu'il ne faudrait plus donner aux enfants. Pas. Un prénom qui n'est pas censé exister. Voilà. J'ai d'ailleurs, été chez moi. Une personne qui n'est pas censée exister, Gérald Darmanin. Bam, ça dénonce, c'est politique. On est là pour casser les jambes. Alors, où étiez-vous, madame ? J'étais chez moi. Chez moi, vous n'avez pas d'alibi, finalement. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, comme ça pourrait être vous. Excusez-moi, vous avez commencé votre anecdote en disant un homme, et du coup, vous parlez à une femme. Donc, c'est je pense qu'elle a un alibi. C'est qu'elle n'a pas de bite. Tout ça, bien sûr, est hypothétique. Alors, dites-nous. J'étais chez moi et je me souviens même très bien qu'il y avait Alain et José qui étaient dans le coin parce que ça nous avait choqué, parce que le monsieur qui est rentré dans les gendarmes a tué une gendarme. C'était très, ça, triste. Très triste. Le Lot-et-Garonne s'en souvient, je peux vous le dire. Ah bah ça, le Lot-et-Garonne s'en souvient. Le Lot-et-Garonne a été fortement impacté. D'ailleurs, ce n'est pas la seule histoire qui a impacté les Lot-et-Garonnais, et notamment les Agenais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Une vieille histoire sombre qui remonte à des années. Des années, bien avant Estelle Mouzin. Une petite fille qui s'appelait Marion, qui s'appelait, on ne sait pas, vu que l'affaire n'a jamais été élucidée. C'est un cold case, comme on dit. Tout à fait. Une petite fille se fait enlever sur le chemin de l'école. Elle s'appelait Marion. Les Lot-et-Garonnais ont eu la peur de leur... Une grande peur qui a monté vraiment dans le Lot-et-Garonne. Les Lot-et-Garonnais ont vraiment eu la froussade. La pétoche. Les foisses. Et j'ai appris la semaine dernière qu'une copine à moi était dans l'école de cette petite. Oh, pardi. Donc c'était il y a, je ne sais pas, je pense que cette petite devait avoir peut-être 8 ans. Ma copine, mon amie, elle a 10 ans de plus que moi. Ça veut dire qu'elle est née en 84, donc ça devait être en 92, voilà, par là, environ. D'accord. Eh ben, et pas de piste. Aucune piste. On a pensé peut-être à Fourniré. Il était dans la région à ce moment-là, peut-être ? Non. C'est pour ça que c'est... Ça on y a pensé, mais c'est pas lui. Mais il y a eu, c'est un peu, enfin, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu des rebondissements dans cette affaire. On a cru la retrouver adulte sur des sites de prostitution, tout ça. Voilà. Mais non, ce n'était pas elle. Ah, C'est terrible. Et dites-moi, Coquine. Oui. Vous aimez bien les faits divers, vous ? J'aime bien les faits divers. Vous ne regarderez pas un petit peu de temps en temps, fait d'entrer accusé ou des choses comme ça ? Ah, si, je regarde un petit peu. Et vous aimez les films d'horreur également ? J'aime beaucoup les films d'horreur. Quel est le dernier film d'horreur que vous avez regardé ? Le dernier film d'horreur que j'ai regardé, c'est une très bonne question. Je vous retourne la question. Ben moi, c'est facile, c'est ça, deux. Ah oui, c'est vrai. Et c'était vraiment pas top. C'était cette semaine. Et oui, je ne sais pas quel est le dernier film d'horreur que j'ai regardé. Aucune idée, je dirais peut-être Cimetière, celui que j'ai en tête là comme ça. Sinon vous m'avez parlé d'un autre film d'horreur qu'il faudrait regarder. Alors, avec les Bonkons, Wedding... et notamment avec notre ami Léo Boiteau. Oui. J'y présente. Alors c'est un film qui s'appelle Wedding Nightmare. Je vais vous faire un petit synopsis sans bien sûr vous spoiler. C'est une femme qui se marie avec un monsieur, sauf qu'elle se rend compte que dans la famille... le soir du mariage, il y a un rite. Il faut, il y a un peu une chasse, tu vois. Ils veulent la tuer. Partie de cache-cache, finalement. Si elle, exactement. Si elle survit, ils peuvent se marier, quelque chose comme ça. Bienvenue dans la famille. C'est un peu chou. Voilà, c'est un peu bizarre, mais la fin est incroyable. La fin est... Oh, je ne peux rien dire. Vous allez l'adorer. Il faut vraiment regarder ce film. Mais entre bons cons. Peut-être que s'il y a trop d'orage. Peut-être que ça pourrait être dans le programme de la journée de regarder ce film. Peut-être en fonction de la température. Je vois qu'il y a du soleil tout à fait qui se montre. Voilà. Eh bien, c'est incroyable. Merci Ophélie pour tous ces renseignements précieux. J'ai aussi préparé un petit horoscope. Je ne sais pas à quel moment on pourrait le mettre. Eh bien, écoutez, je propose qu'on remette le jingle pour conclure cette chronique. C'est parfait. La Birthday Girl habite dans le 47. La Birthday Girl habite dans le 47. Et je vais lui dire ces 47 vérités à la coquine. Pardi, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Eh, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Je te le dis, je te le redis pas. Agen, pardi. La coquine. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire tes 47 vérités et tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. La beurre, c'est des girls, elle habite dans le 47. La coquine. Une émission de Rooks sur Rock FM, proposée par Chloé Soulard. Merci Chloé Soulard pour cette belle émission que vous nous avez proposée ce matin. Avec plaisir. Si nos auditeurs ont plus de renseignements sur des crimes du Lot-et-Garonne, je suis très intéressée puisque je n'ai pas pu me rendre à une exposition qui a l'air vraiment très sympathique sur les crimes dans le Lot-et-Garonne pour la première moitié du siècle. Voilà. Ah oui, une exposition. Il y avait une exposition là-dessus et voilà, malheureusement, je n'étais pas dans les parages pour la voir. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Alors ça, c'est un ami de Radio Bulle qui s'appelle Jean-Michel Armand, qui est un passionné de crimes. C'est un ancien gardien de la prison d'Agen, parce que là, il faut savoir qu'à Agen, il y a la seule école de gardien de prison de France qui s'appelle l'ENAP. Et qui fête ses 30 ans cette année. Nous serons d'ailleurs sur place avec Radio Bulle si vous voulez écouter ce soir, je ne sais plus quel jour, en septembre, mais d'accord. En tout cas, ça risque d'être sympathique. Un bon anniversaire à tous les gardiens de prison. Voilà. À CAB, cependant. Cependant. Bah, okay. Le gardien de prison, oui, peut-être. Alors. Une partie de la gendarmerie nationale, je crois. Oui. Alors, à CAB, quand même, pour aussi. D'accord. Voilà. Du coup, ce monsieur Jean-Michel Armand anime une émission sur Radio Bulle qui s'appelle L'assassin habite. Dans le 47. D'où le nom de la chronique de Chloé, la birthday girl, habite dans le 47. Voilà. Non, mais par contre, c'est vraiment un passionné. Il passe des heures aux archives. C'est un passionné passionnant, finalement. Exactement. Il recherche les crimes qui se sont passés dans le Lot-et-Garonne et il raconte ça pendant une trentaine de minutes, une émission d'une trentaine de minutes. Et c'est passionnant. Il commence parfois son émission en disant « Amis des beaux crimes, bonjour ». Ça me fait rire. Alors Léo, on passe à l'éphéméride. Oui, alors l'éphéméride que je n'ai jamais fait de ma vie et que je vais faire sans vous mentir avec mon téléphone dans la main sur la page Wikipédia du 29 août. Mais c'est super. Aujourd'hui nous fêtons les Sabines et les Jean-Baptiste. Bonne fête à Sabine. Donc bonne fête Jean-Baptiste, à tous les Jean-Baptiste, toutes les Sabines. Jean-Baptiste Monnier, bonne fête à toi. Jean-Baptiste Poquelin, bonne fête à toi. Oh. Où que tu sois. Magnifique. Au Père Lachaise il est. Alors le... Le 29 août, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé un 29 août. La première monnaie officielle japonaise est fabriquée. Bon, il y a des infos un peu nulles comme ça. Oui, il faut. Donc je vais scroller un peu. Trouver les choses qui sont. Et trouver les choses intéressantes. Je crois que j'ai en tête l'anniversaire d'une personnalité. Oh, regardez, vous avez failli le passer. Moi, je vois une date très importante. Ah non, j'ai cru que c'était autre chose. Ah non. Merci. Pour l'instant, il n'y a rien d'hyper important. Hein. Et j'ai cru que c'était le début d'une guerre de ouf, et alors, en fait, pas du tout. Ah, on commence des choses. 1944, début du soulèvement national slovaque pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est ça, j'ai lu plus tôt, c'est un jour férié en Slovaquie. 1946, résolution numéro 8 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'en fout. 1949, premier essai de la bombe A soviétique. Oh. Et plus récent, 2005, l'ouragan Katrina atteint les côtes de la Louisiane à proximité de la Nouvelle-Orléans. On rappelle l'ouragan Katrina qui a fait des centaines de morts et détruit des maisons. En 2016, le cessez-feu entre les FARC et la Colombie entre en vigueur. Des morts de moins d'Amérique du Sud, ça fait toujours plaisir. Et vous vous souvenez de cette histoire quand même, parce que c'était peut-être à ce moment-là, dans ces eaux-là, avec la fin des FARC, que Ingrid Betancourt, elle est sortie de sa forêt et elle a été libérée. Bien sûr, qu'on a on très vite souvient. Oublié on s'en souvient bien pour se rappeler d'une autre Betancourt. Qui faisait chier avec ses sous. Niveau de l'art, culture et religion, on a deux papes qui ont été élus en 29 août, mais ils sont trop vieux pour qu'on s'y intéresse. Par contre, en 1966, on peut voir que c'était le dernier concert des Beatles au Candlestick Park de San Francisco. Et ça, c'est incroyable. En sciences et techniques, Michael Faraday qui invente la dynamo. Alors, petite info, en 1997, la fondation de Netflix, un 29 août. Et joyeux anniversaire Netflix, tout doux. Joyeux anniversaire Netflix qui fête donc ses 23 ans. Je crois que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Liam Payne du groupe One Direction. Eh bien, je vais continuer à scroller car j'arrive aux naissances et peut-être qu'on le verra. Je vous explique. Alors d'ailleurs, Netflix à la base n'était pas du tout un service de vidéo à la demande. À la base, pour information, Netflix c'était vraiment une société de DVD. Voilà, location de DVD. De DVD et ils se sont modifiés. Ils ont modifié leur structure. Ils ont eu bien raison puisque maintenant c'est le géant que l'on connaît. En essence importante, 1619, Jean-Baptiste Colbert, homme d'État français, un homme très important dans la construction de notre pays. Oh là là. En 1632, John Locke, un philosophe britannique qui a inspiré beaucoup de personnes et qui est aussi un personnage de Lost. Exactement, un super personnage de Lost. Alors, je continue à scroller, puisque là, nous ne sommes que sur des gens qui sont censés être connus, mais que moi, en tout cas, je ne connais pas. Par exemple, qui est frère Jérôme, qui est né en 1902. Aucune idée. Alors, 1931... Oh putain, frère Jérôme, faut l'inciter ça. 1936, naissance de John McCain, qui a perdu les élections contre Barack Obama en 2012 Non, 11. Avant. 11. 8, 2008, qui est décédé d'ailleurs, on pense à toi, John McCain. Ah, je ne sais, on pense à lui, mais vite fait quand même. Ouais, parce que c'était un peu un con. Igor et Grishka Bogdanov, 1949. Et ça, c'est une information qui est incroyable. Michael Jackson, 1958. Ah, Michael Jackson. Ah, attention, il faut séparer l'homme de l'artiste. Oui. Fleur Pellerin, 1973, une femme politique bien ancienne diffusée. Ancienne ministre de la culture. 1979, en parlant culture, Youssoupha, rappeur français. Ah, Youssoupha, écoutez, moi je vous conseille d'écouter de Youssoupha. Je me permets de vous couper. Pas de souci, allez-y, réagissez à tout ce que j'ai dit. D'écouter Musique Nègre de Kerry James, en featuring, avec notamment Youssoupha avec et Lino. Exactement, qui est vraiment super. Youssoupha porte un habit d'Académie française magnifique, c'est super. Le clip est magnifique. De beaux symboles. En 1982, un homme naît, un homme qui plaît beaucoup à la famille Soulard. Cet homme, c'est Ken Kojandi. À l'origine de Bref. Écoutez, ça c'est vraiment super parce qu'on l'adore. C'est vrai qu'on l'adore. Et tout à fait, 1993, Liam Payne. Ah, naît. One Direction. En décès. Alors, qui est mort? Alors, nous avons eu le décès d'un acteur hier. L'acteur, alors attendez, de Black Douglas, Panther. Voilà, oui, de Black Panther qui avait un cancer du côlon. 43 ans, c'est vraiment très jeune. Wakanda Forever. Chadwick Boseman qui s'appelait. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons oublié de préciser, peut-être hier, nous en avons parlé vite fait, mais vraiment très vite fait, vu que c'était votre anniversaire. On a parlé de Jack Black qui fêtait son anniversaire et nous avons oublié de préciser également qu'il y a un petit acteur très sympathique qui était justement dans Le Seigneur des Anneaux, film que vous appréciez particulièrement. Félix, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, en effet, hier, c'était l'anniversaire de Billy Boyd qui interprète le personnage de Pippin dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et qui est un super chanteur d'ailleurs, au passage. C'est on l'embrasse. La on l'embrasse, bien sûr. Derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers. Ainsi, je prends. Eh bien, écoutez, en termes de décès, il n'y a que des gens que je ne connais pas. Donc je... Eh bien, c'est une tant bonne mieux, journée. Mieux, c'est-à-dire que c'est une bonne journée. Juste pour finir, aujourd'hui, pour les Nations Unies, c'est la journée internationale contre les essais nucléaires. C'est bien, ça, c'est bien, parce que c'est vraiment de la connerie. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous donner pour cette éphéméride. Bah, en tout cas, merci Léo. Un dicton du 29 août. Ah oui. Pluie à la Sainte-Sabine est une grâce divine. Oh. Eh bien, écoutez, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Il y a eu un peu de pluie, donc grâce divine. Alors, je me permets de revenir sur la journée d'hier, le 28 août. Il y a aussi hier quelque chose de très important. C'est le discours « I have a dream ». Tout à fait. 28 août. De Martin Luther King, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. C'était un 28 août. Qu'est-ce qui s'en est passé des choses? Il s'en est passé des choses. Je suis en train de réfléchir qui est né un 28 août également, je ne sais plus. Donc Jacques Black, Billy Boyd, mais c'est les plus importants. Le reste, c'est vrai que je ne sais plus qui. Et peut-être regarder que notre ami et collègue Léo Boiteau. Je suis sur les éphémérides. Alors je vais trouver ça, 28 août. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là, sur mon ordinateur? Oh, c'est tout petit. Alors, je vais vous, chers auditeurs, peut-être que vous vous êtes connectés ce matin très tôt sur la radio, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien du tout. C'est parce que hier soir, Quentin, Hugo et Loyo et Cola. Peut-être Loyo, je ne sais pas s'il était dans la magouille. Ils se sont connectés pour faire un direct. Voilà. Ils voulaient faire les programmes nocturnes de Roux du Rock FM, sauf qu'ils ont oublié de couper le direct, donc ça a duré toute la nuit. Mais les micros, par contre, étaient coupés. Ils ont bien éteint chaque micro, ils ont bien débranché la prise. Mais du coup, sur mon ordinateur, j'ai un fichier qui dure 7 heures. Ah, voilà. Coquinous. Alors, je suis sur la page des naissances du 28 août. Est-ce qu'il y a écrit Ophélie Soulard ? Malheureusement, je ne crois pas que ce sera écrit sur le Wikipédia, mais peut-être pourrons-nous le rajouter. Je ne vois que des noms qui ne me... François Béranger, ça me parle, ça, c'est un chanteur français. Qu'est-ce qu'il chantait, François Béranger ? Aucune idée, je connais juste son nom. Alors, regardons... Qui avons-nous ? David Fincher. Je viens de le trouver. Et bah David Fincher, ça, c'est super, c'est vraiment super. Ah, alors moi, il y a une personne qui me tient particulièrement à cœur, Satoshi Tajiri, qui est la personne à l'origine de Pokémon. Merci pour mon enfance qui a été merveilleuse et pour ma vie d'adulte qui continue à l'être. vous avez China Twain. China Twain qui chantait Boy, I feel like a woman. Je crois que c'est elle qui chantait ça, China Twain. Magnifique. Vous avez aussi Florence Welch, la chanteuse du groupe Florence and the Machine. C'est à peu près tout. Je vais regarder les décès. Malheureusement, cette page existe. Les gens décèdent, il faut en parler. Mireille d'Arc, comédienne française, décédée en 2017. Mireille d'Arc et sa fameuse robe d'eau nue. Alors, celui-là, je ne le connais pas, mais juste pour le nom, le décès en 2011 de Jean Montbourquette. Voilà. Il a un nom rigolo, ça Montbourquette, c'est monsieur Montbourquette, vrai, un prêtre rigolo. Catholique. Alors, ben écoutez, ça a l'air de tout. Écoutez, il n'y a pas grand chose. Hein. Pour l'instant, on se. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. Bon, écoutez, c'est plutôt bien pour. Mais oui, tout à fait, tant mieux s'il n'y a pas beaucoup de décès, oui. Ça c'est super, voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors, chers amis animateurs, chers amis auditeurs, on va faire une petite pause musicale avec celui qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, c'est bien sûr Michel Jackson. Michel Jackson, on va écouter la chanson Billy Jean, qui est peut-être sa chanson la plus connue, je crois. Et on revient juste après, le temps de se servir un petit café. À tout de suite. She was more like Beauty Queen. La matinale. La matinale, pardi. Ah que oui, la matinale. Écoute les oiseaux qui chantent, ils se réveillent. Réveille-toi avec eux. Francis Cabrel. Vera Christophe. Chimène Valle. Sur tout. Michel Polnareff. La Garonne. Le Lot. Et Garonne. Agen. Bruno d'Agen. Julien Burno d'Agen. Griffouille. Félix Soudard. La matinale. La matinale. La matinale, pardi. On continue cette matinale tout en douceur, Chloé Soulard. Ben oui, évidemment, tout en douceur. On est comme ça, on vous aide à vous réveiller dans le calme et la sérénité. Alors Chloé, vous avez peut-être un horoscope à nous... Exactement, à nous... j'ai prévu un horoscope en ce jour. Est-ce que vous voulez que je vous mette une petite musique pour votre lecture d'horoscope? Eh bien, ça serait super. Alors, je vais essayer de trouver une musique. Écoutez, zen. Moi, j'ai prévu un petit horoscope qui est vraiment fait à la perfection pour vous, Ophélie Soulard, puisqu'elle s'adresse évidemment aux Vierges, votre signe. Et plus précisément, j'ai aussi regardé des choses sur votre thème natal. Donc, il va y avoir des choses vraiment spécifiques également pour vous. Mais peut-être si vous avez fait votre thème natal, vous vous y retrouverez également. Tout ce que j'ai à dire. Attendez, je lance une musique. J'aimerais bien que vous puissiez parler. Hop là, allez-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne peux pas parler avec l'accent du sud quand je fais un horoscope. Ce n'est pas possible. Si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, félicitations, vous êtes vierge. Sixième signe du zodiaque. La vierge est un signe de terre, au même titre que le taureau ou le capricorne. Les vierges, Mercure est votre planète. Il vous pousse à décortiquer, à étudier, à calculer. Bref, vous êtes une personne méthodique, critique et autocritique. Vous cherchez toujours à vous rendre utile, mais parfois vous vous perdez dans les détails. Vierge, vous avez le sens inné pour l'organisation. Vous êtes perfectionniste, mais angoissé à l'idée de faire mal les choses. Vous ne pouvez arrêter une activité sans être sûr que tout soit parfait. Ça c'est bien vrai, je reconnais les Vierges. Sous l'influence de Mercure également, la Vierge a un lien tout particulier avec le monde de la communication. Ce n'est pas si étonnant de vous retrouver derrière un micro à la radio, oui. Chère Ophélie. Vous avez tendance à trop vous inquiéter, surtout à propos de petites choses, de détails. Vous pouvez parfois être très indécis et peu sûr de vous. Ophélie, j'ai regardé votre thème natal et je me suis rendu compte que votre lune est en taureau. Vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en taureau. Alors la lune en taureau, qu'est-ce que c'est? Le taureau est également un signe de terre. De nature calme et paisible, vous pouvez néanmoins être extrêmement têtu, surtout lorsqu'il s'agit de faire des changements d'ordre émotionnel. Ça, c'est l'influence du taureau dans votre lune. Vous accrochez aux choses du passé parce qu'elles vous procurent un sentiment de sécurité. Vous avez besoin d'énormément d'affection et de proximité. Attention, manger grassement semble vous aider à vous sentir en sécurité. Dans votre thème astral également, Ophélie, vous avez Mars en cancer. Alors Mars en cancer, comment est-ce que ça se retrouve? Vous évitez les confrontations directes avec les autres. Les comportements agressifs et compétitifs vous mettent très mal à l'aise, sauf quand cela touche vos proches. Là, en l'occurrence, vous êtes très protectrice. Vous avez également Mercure en Vierge. Vous êtes très exigeant, comme on l'a dit tout à l'heure, et perfectionniste. Vous avez tendance à exceller dans ce que vous faites. Et vous êtes critique également du travail des autres. Il faut penser à mettre un peu d'eau dans votre vin, Ophélie. Quelle idée. Vous avez également Vénus en balance dans votre thème astral. Alors Vénus en balance, qu'est-ce que ça dit de vous? Ça dit que vous êtes charmant, que vous avez du tact et que vous êtes courtois. Vous passez votre temps à vouloir faire plaisir aux gens. Attention à ne pas vous oublier, vous. Vous avez également Jupiter en scorpion. Vous êtes efficace et vous travaillez dur et vous êtes vraiment surtout plein de ressources. Ah ça, vous trouvez toujours des idées. Vous avez également Saturne en poisson. Vous avez tendance parfois à vous perdre, mais vous êtes très intuitif, sensible et vous avez énormément d'imagination. Voilà, Ophélie, hein, pour les petites choses qui correspondent à votre signe. Moi, je trouve globalement que ce sont des choses qui vous correspondent plutôt bien. Merci Chloé pour cet horoscope, c'était vraiment très agréable. Je pense également pour nos auditeurs. Je laisse la musique détente qui est plutôt sympathique. On pourra peut-être se tourner vers les auditeurs pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Bien sûr, vous pouvez nous dire si vous êtes vierge ou si vous avez des planètes en vierge hein, dans votre thème astral. Exactement. Moi-même, je suis taureau ascendant vierge. Voilà. Alors, il y a la maman de Julien, mon compagnon, est vierge. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le fait que Julien m'ait choisi et le fait que sa maman soit également le signe ? Non, je ne pense pas. Mais d'accord. Par contre, je pense qu'il a dû retrouver des qualités en vous qu'il a reconnues dans sa mère. Faites attention, un problème d'Oedipe peut-être caché. Peut-être. Alors, je me tourne vers la cuisine. José vient de se lever. Hop, Chloé éternue dans son coude. Geste barrière respecté. José vient de se lever. Elle est en train de faire un petit café, je crois. Elle prépare un petit café. Elle a l'air d'avoir plutôt bien dormi. J'espère qu'elle va très bien dormir au petit déjeuner Lot-et-Garonne. Ah, bonne nuit, nous dit-elle. Elle s'est couchée assez tôt, oui. Avant le dessert, oui. D'ailleurs, j'étais déçue de vous voir partie. José, si vous voulez, vous pouvez vous installer avec nous si vous le souhaitez. Elle prépare son café, elle viendra avec nous tout à l'heure. Ah oui. Alors, attendez. Chloé, laissez-moi une minute. Je voulais revenir peut-être un petit peu, Chloé, pendant qu'on écoute de la musique détente sur la soirée d'hier. Tout à fait, allons-y, parlons de la soirée d'hier. Je voulais savoir, Chloé, si il y avait une gueule de bois éventuelle. Eh bien, pas du tout, puisque je bois... peu, il faut dire, et que c'est vrai que les cosmopolitains, ont été très forts, et donc oui. J'ai fait attention, j'ai bu beaucoup d'eau, voilà. Je suis allée me coucher relativement tôt également, puisque il fallait être en forme pour aujourd'hui, mais j'avoue que dans la nuit, il y a eu des petits bruits, hein. Il y a eu du boucan, oui. Comme on dit, et donc j'ai été réveillée, hein. Et est-ce que vous voulez que j'explique pourquoi il y a eu du boucan ? Évidemment. Je vais vous expliquer. Expliquer pourquoi il y a eu du boucan. Alors, en fait, ce qu'il s'est passé cette nuit, c'est que je suis allée me coucher, moi, vers 3h du matin, en me disant, demain, il y a la matinale, il faut assurer. Et puis, demain, il y a aussi toute la journée qui va être assez chargée, je dois dire. Alors, je suis allée me coucher vers 3h du matin. Vers 4h du matin, et Julien est allé se coucher. Il m'a donc réveillée parce que Julien, quand il va se coucher, il me parle. Alors que je suis endormie depuis une heure. Bref. Là, il avait envie de vomir, figurez-vous. Il a claqué la porte de la chambre d'Hugo, et en voulant sortir, la poignée lui restait dans la main. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a toqué. Quentin était en train de monter à se coucher. Donc, Julien a toqué à la porte, ce qui vous a réveillé. Et ensuite, il est allé vomir dans les toilettes. Puisque je dormais dans la chambre juste à côté. José, peut-être que José a entendu du boucan. Non, José a dormi comme un Loire, c'est comme ça qu'on dit. Comme la Loire Atlantique. Alors attendez, Léo, j'avais coupé votre micro, c'est vrai. Je disais que c'était féminin Loire, la Loire. Ah bon ? Sûr. D'accord, je ne savais pas. On peut dire n'importe quoi, nous croit. On va faire une petite pause musicale. On revient pour parler d'un prénom qu'on connaît tous. Exactement. Qui est le prénom Ophélie. Et du coup, j'ai choisi une chanson. Un téléphone qui sonne. Bon, on va écouter cette chanson en douceur. On revient juste après, chers auditeurs. À tout de suite. Bisous. À tout de suite. Elle se croyait toute seule près de l'eau. Quand soudain je l'ai vu se pencher un peu trop, devinant qu'elle voulait noyer son chagrin, je n'ai pu m'empêcher de lui crier de loin. Ophélie, Ophélie, moi Et on a une pensée pour M. Théo Richard qui nous a fait découvrir cette chanson. Tout à fait, tout à fait. Cette chanson bien sympathique. Alors Chloé, je n'ai pas eu le temps de trouver le jingle, mais je vais le trouver tout de suite si vous me laissez un instant. Tout à fait. Alors, j'en profite pour moi aussi faire une bise à Théo Richard et le remercier pour cette chanson qui reste dans la tête vraiment énormément. Ça c'est vrai, c'est vraiment une chanson qui reste dans la tête pendant 5 jours. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de l'entendre, c'est un plaisir de l'écouter quand il y a des bons cons aux alentours, puisqu'on reprend tous en cœur la chanson, et c'est vraiment très agréable, cet esprit communauté. C'est vrai, Chloé. C'est magnifique. Alors, je n'ai pas trouvé le jingle. Alors, il y a un problème avec le logiciel de diffusion, c'est bien dommage. Je ne sais pas comment faire pour remettre des chansons en diffusion, c'est un peu embêtant, je dois dire. Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut continuer à discuter un petit peu le temps que je trouve ce bien sacré sûr, jingle qui m'embête. Est-ce que vous avez fait des rêves cette nuit? Personnellement, je ne crois pas avoir fait de rêves. J'ai un cas très rare de deux personnes qui ne se rappellent jamais de ses rêves. Ah oui, ça c'est embêtant. Ce qui est très chiant. Je crois que j'ai rêvé, mais je ne me souviens pas. Et vous, Ophélie, vous avez fait des rêves? Je n'ai pas rêvé, je n'ai pas eu le temps. Alors en fait, enfin, je vais vous raconter, je me suis réveillée à 8h du matin. Je me suis endormie en me disant non, je me lève à 9h. Je me suis réveillée 10 minutes plus tard en me disant ça, il est 9h, il était 8h10. Je n'ai pas assez à redormir. Et du coup, me voilà. Moi, je me suis réveillée avec un message dans ma boîte de messages qui venait d'Ophélie Soulard qui me disait il ne dort pas l'animateur. Pas de ponctuation, rien, juste ça. Oups. Et en effet, je ne dormais pas. Et mais oui, mais moi, je pense qu'à un moment donné, je vais aller faire une sieste parce que je suis quand même un petit peu fatiguée d'avoir dormi comme ça, d'avoir été réveillée. Ça m'a fatiguée. Normal, nous comprenons. Allez, c'est parti pour le jingle. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom, un prénom. Un jour. Un jour, un prénom. J'espère que vous avez apprécié le petit bug du jingle. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est à vous, Chloé. Eh bien, aujourd'hui, mes chers auditeurs et chères auditrices, nous allons parler d'un prénom que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit de celui de notre chère directrice des programmes. Patricia. Presque, Léo, vous n'êtes pas loin, ah. Puisqu'il n'y a presque aucune lettre en commun. Et lui. En tout cas, pas de ce sens-là. Il doit y avoir un E qui passe quelque part. Non, Patricia, il n'y a pas de P-A-T-R-I, c'est I-A. Eh bien, juste le I, en effet. Il y a un P. Ah, c'est vrai ça. Oui, mais par contre, on n'écrit pas Ophélie avec un F, on écrit avec un PH. Et oui, en effet, nous PH allons neutre. Parler du prénom Ophélie. Oui. Ophélie, O-P-H, E accent aigu, L-I-E. Alors, votre fête, Ophélie, si je ne sais pas si vous le saviez, c'est le 18 juin. Oui. Et oui. Il y en a deux. Et oui. Mais j'avais envie de prononcer la paix du Gien, puisque c'est exactement l'appel du général de Gaulle. Voilà, Ophélie, vous connaissez tous des Ophélie célèbres. Bien vous sûr. La présentatrice Ophélie Meunier, par exemple, qui nous était d'abord sur Quotidien. Et la chanteuse Ophélie, Ophélie Winter. Winter, hein, c'est la plus connue, Ophélie, à qui répétait cette phrase magnifique quand elle était petite. Mais je ne suis pas Ophélie Winter. Voilà, voilà. Mais Dieu lui a quand même donné la foi. Oui. Et ce je ne sais quoi. Mais oui, c'est bien vrai. Je ne vous souhaite en tout cas pas le même destin qu'elle. Allez, Ophélie. Ophélie, ce prénom a été rendu célèbre par Shakespeare, en effet. C'est une célèbre héroïne de sa pièce de théâtre Hamlet. Elle a eu un destin tragique, hein, Ophélie. Est-ce que vous savez à peu près, vous connaissez l'histoire d'Ophélie? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la chanson qu'on vient d'écouter parle d'Ophélie dans Hamlet. Je ne sais pas si vous avez écouté les paroles de la version originale donc de Dave. Pas du tout. Non, non pas du tout. Eh bien, il parle en fait du destin d'Ophélie. Du destin tragique, hein, exactement. Hein. Qui meurt d'amour. Finalement, oui. On rappelle Hamlet, hein, dans sa version française, laisse le jambon. Ham, qui veut dire jambon. Ah oui, laisser. Laisse le jambon. Voilà. Oui, oui, oui. C'est important de le souligner. Bien sûr. Tout à fait. Pour nos auditeurs. Alors, des petites caractéristiques, hein, peut-être, pour les Ophélie, hein, avec leur prénom. Est-ce que je vais vous les dire, vous allez pouvoir nous dire, vous. Chers auditeurs sur le Discord, si vous trouvez que c'est plutôt adapté à notre Ophélie, notre directrice des programmes, ou si au contraire ça ne l'est pas du tout. Auquel cas, ma chronique ne servira à rien du tout. Alors, bonne vivante et amoureuse de la vie. Déjà, ça commence bien. Ophélie est une femme qui croque la vie une à pleines dents bon. Et qui aime se faire plaisir. De nature enjouée et joviale, Ophélie est une personne attachante, particulièrement agréable à vivre. Alors, permettez-moi d'avoir un peu des doutes hein, sur cette partie agréable à vivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Charismatique, elle captive par sa volonté de faire et sa forte détermination dans tout ce qu'elle entreprend. Douée d'une grande force de persuasion, Ophélie parvient sans grande difficulté à rallier les autres à ses opinions. Elle incarne la générosité et la bienveillance. Attention, par contre, les Ophélies peuvent être possessives et jalouses. Elles ne tolèrent pas la trahison et n'accordent pas facilement leur pardon. Alors, chers auditeurs, dites-nous, est-ce que vous pensez que ça correspond bien à Ophélie ? Léo, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous trouvez que ça correspond plutôt bien à la personnalité d'Ophélie ? Eh bien, écoutez, je trouve que ça définit très clairement notre directrice des programmes. Elle nous emmène dans son délire. J'ai animé pour la première fois une émission de radio hier soir, le point pété par Léo Boiteau, que je n'aurais jamais fait sans elle. Je la remercie pour cette opportunité. Et je pense que c'est grâce à elle que pour la première fois, les bons cons se sont rassemblés pour former un vrai projet. Ça, un projet bien, durable, un projet dont on parlera encore durant des années. Des siècles. Des millénaires. Alors, si je peux revenir sur un point de la description que vous avez fait, Chloé, c'est ce qui m'étonne un petit peu, c'est le fait que Léophélie ne pardonne pas facilement. Moi, je pense que je pardonne quand même un peu facilement. Ben, on va voir voilà. Tout de suite. Qu'est-ce que tu réponds si je te dis grosse pute ? Je ne t'en veux pas, Léo. En effet, elle pardonne facilement. Tout simplement, écoutez, il ne faut pas se prendre la tête. Alors, il est déjà 11h03. Oh, chers amis, chers auditeurs, déjà, on n'est pas beaucoup de levés dans cette maison. Non, ça dort beaucoup. Jusqu'à quelle heure elle est réveillée chez Lonnet ? Eh bien, normalement, c'est jusqu'à la matinée. Jusqu'à 11h environ. Après, il y a le repas vers midi, mais peut-être qu'on va le décaler vers 13h. Bien sûr. Avec le temps de préparer, nous on voulait faire une petite quiche. Une petite quiche. On voulait installer tout réinstaller dans le garage. Alors il y a Douglas qui demande s'il y a du chinois au petit déjeuner. Est-ce que vous savez ce que c'est que du chinois ? Et oui, moi je sais ce que c'est le chinois. Bien, vous me l'expliquerez car je ne vois pas de quoi il parle. Eh bien, c'est une pâtisserie. On peut appeler ça une pâtisserie. C'est une brioche. Une brioche. Avec de une la brioche crème. Qui est bien coquine et bien gourmande. Bien coquine. S'il y a de la crème, hein, une espèce de crème pâtissière, mais vous savez, industrielle. Mm-hmm. Vous savez, comme dans les. Bien sûr. Comme dans les viennoises, dans les viennoiseries. Les comme voyez. Dans les choux. Non, pas tout à fait. Plutôt comme dans les. Et il y a des pépites de chocolat. Pas tout le temps, tu peux en acheter avec ou sans. Moi j'aime bien que les pépites de chocolat, ça me trouve que ça rend un peu plus gourmand. Et ça fait comme des tourbillons. D'accord. Et ça fait plein de petits bouts de tourbillons et c'est très facile à enlever comme ça fait des parts directement. Alors du coup, moi j'ai une question à te poser. Dans l'actualité récente, on a appris que le livre d'Agatha Christie appelé 10 petits nègres se faisait renommer car il était vu comme raciste. Faut-il et renommer le chinois ? Du chinois, oui. Eh bien écoutez. Je ne sais pas. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Déjà, je ne sais pas. C'est et c'est peut-être que Douglas Wilson, qui est un grand aficionado des Chinois, peut-être il peut nous dire ce qu'il en pense et s'il peut nous parler de l'histoire du chinois, la pâtisserie, évidemment. Le chinois à travers les âges. La pâtisserie, évidemment. Astérix, la pâtisserie. Alors, on va faire. Mais non, pour répondre à sa question, il n'y a pas de chinois. Non, il n'y a pas de chinois, voilà. Je vous propose, avant de se. Il est déjà. Ça fait une heure que nous sommes en direct. On va peut-être parler de l'agenda pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui demandent que va-t-il se passer aujourd'hui. Se passer, tout à fait. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a toujours le petit déjeuner Lot-et-Garonne oui, noisette qui fait. Est toujours disponible. C'est ça. D'ailleurs, je pense que je vais me refaire un petit bol de céréales parce que j'ai trouvé ça vraiment super. Allez, il faudra peut-être faire couler du café. José vient de faire couler du café. Allez, je lance le jingle agenda. C'est l'agenda de Rooksty Rock FM. C'est l'agenda de Rooksty Rock FM. C'est l'agenda. L'agenda de Rooksty Rock FM. There were none. Alors, chers auditeurs, que va-t-il se passer aujourd'hui à la Rouxière? Alors, on parlait du petit déjeuner, il est toujours disponible sur la table si vous venez de vous réveiller. D'ailleurs, je vois que José est en train de faire son petit déjeuner, mais je ne la vois pas vraiment profiter des produits du Lot-et-Garonne. Oui, alors peut-être qu'elle va réagir sur ce fait. Elle est en train de manger de la confiture. De la confiture qu'elle a fait elle-même. Ah oui, ça c'est... Abricot. Amande. Ah, sympathique. Bon alors, j'ai besoin d'avoir le programme. Qu'est-ce que c'est la confiture abricot amande que nous avions peut-être achetée dans le Lot-et-Garonne ? Non ? C'est vous qui l'avez fait ? Ah, bon. Alors, programme de la journée, chers auditeurs. C'est José qui l'a fait. Alors, le prochain rendez-vous, c'est le pique-nique Bonne Franquette. Qui, je répète, ne se fera pas au Main Berthe. Vu le temps capricieux qu'il y a aujourd'hui, ce sera à l'étarderie. Bien sûr, je pense que le pique-nique qui est prévu à midi sera décalé vers 13h. Oui, puisque tout le monde n'est pas réveillé de son réveil échelonné. Le temps de prendre tout à fait José qui commente notre émission en direct. Vers 14h, il y avait de prévu la balade digestive. Alors, également, cette partie du programme ne pourra pas avoir lieu, j'imagine, avec le temps qui est, je le répète, capricieux. Je vois que le ciel est très, très gris. Surtout qu'ils annoncent de l'orage cet après-midi. Tout à fait. Alors, je pense... Moi, j'aime bien aussi les orages. Parce que quand on est à l'intérieur, dans une maison bien au chaud, et qu'il y a les orages, eh bien, moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Dehors, c'est la tempête, et à l'intérieur, c'est le calme. Et on pourra en profiter peut-être pour regarder, je ne sais pas, des bêtises de films d'horreur. Peut-être le Wedding Nightmare, comme vous nous proposiez tout à l'heure. Ou bien, peut-être, voilà... Une siestoune ou un temps calme. Ah, vous allez tellement adorer Wedding Nightmare. Peut-être un temps calme où je pourrais du coup vous lire Society et l'enquête sur XDDL. Tout à fait. Vous allez voir, c'est incroyable, ça va. Vous allez être... Comment dire, Ophélie, vous allez être surpris, exactement, par les détails dont on n'avait jamais entendu parler. Des détails sur la personnalité de XDDL, si on peut l'appeler comme ça. Sa personnalité manipulatrice qui est incroyable. Je ne connais pas la personne. Xavier Dupont de Ligonnès. XDDL, tout simplement. Vous allez voir, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose de lui donner un surnom qui commence par XD. Eh bien si, parce que comme ça, la prochaine fois que vous voulez dire PTDR, vous pouvez dire XPTDRDDL. Alors on continue un petit peu Expose le programme. Explosé pété de rire du pont de Ligonnès. Exactement. Exactement. On continue le programme. À 16h, il y aura un café gourmand. Et ça, j'ai hâte. Et le café gourmand va être vraiment gourmand. J'ai vraiment vraiment super hâte. Des petites gourmandises, ça va être sympathique. Est-ce qu'il y aura des Chinois ? Il n'y aura pas de Chinois. Il n'y aura pas de Chinois, à moins que Douglas vienne nous voir et nous fasse une surprise. Il a fait son footing de ce matin pour s'échauffer pour sa journée de conduite. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il vient nous faire une surprise de Douglas. Si c'est le cas, c'est super. Peut-être qu'il vient en courant jusqu'ici. Peut-être qu'il est déjà là. Peut-être qu'il rentre tout de suite par la cuisine. Douglas, es-tu là ? Dommage. Il n'est pas là, malheureusement. Ensuite, à 19h, apéro cocktail accompagné de la playlist Vieille Canaille & Co. Alors, bien sûr, on va refaire les cocktails d'hier. J'imagine que... Alors, Julien, je sais qu'il ne va pas boire de Campari parce qu'il m'a dit j'ai bu trop de... Ouh, la batterie faible. Il a bu trop de Campari hier. Il y aura bien sûr des cosmopolitains. J'adore les cosmopolitains. Et je crois qu'il y a la possibilité de faire des cailles Perignat. Voilà, ça va être sympathique. Si vous portez un blouson en cuir pendant l'apéro cocktail, vous pourrez gagner un ticket de tombola. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter des tickets de tombola. Vous pouvez les acheter toute la journée. Vous pouvez encore en acheter. Il y a des super lots qui vous attendent. On a fait des petits Kitterington de l'eau. C'est super. C'est magnifique. Allez-y, n'hésitez pas. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Nous rappelons que Jean-Luc Soulard n'est pas là. Non. Et vous avez, toutes vos chances. 21h, repas chilicine carnet. Garantie sans animal suffering. Tout à fait, avec du vin rouge comme le bon repas que nous avons fait hier. Tout à fait. D'ailleurs, nous conseillons aux invités à nous leur. Évidemment, que si vous voulez ramener du vin rouge, vous êtes les bienvenus, puisque nous rappelons que nous avons les cocktails. Et nous avons également une super machine à pression qui fait des super bières. C'est vrai que les bières, elles sont particulièrement agréables à boire. J'ai trouvé hier, je ne sais pas pour vous. Elles coulent dans le gosier. Elles font du bien au tout le corps. Par où ça passe. Oui. Ça se fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. C'est qu'un point de titube. Tout à fait. Alors, Douglas nous dit que s'il part maintenant, il n'arrive pas pour le goûter. Mais ne vous inquiétez pas, on vous gardera du café gourmand. Du café gourmand. Hubert Félix Stéphane est en train d'écrire, peut-être qu'elle va nous dire qu'elle est déjà arrivée, mais je ne pense pas, je pense qu'elle viendra pour le pique-nique. D'ailleurs, il faut qu'on installe tout le pique-nique en extérieur, là, dans le garage, je pense qu'on va se mettre dans le garage. Je me tourne vers José qui boit son café, elle me dit oui. Est-ce que si on ramène du vin rouge, on gagne un ticket de tombola? Ah bah bien sûr, on gagne un ticket de tombola, je crois que c'est même écrit sur le programme. Vin rouge fortement conseillé, mais fortement conseillé. On gagne... de toute façon, vous gagnez tous un ticket de tombola par votre présence. Je rappelle que si le vin rouge porte un blouson en cuir, vous gagnez 3 tickets de tombola. Oui, c'est vrai. Écoutez, si vous venez déguisé, vous avez un ticket de tombola aussi gratuit. Oui. Si c'est en plus sur le thème de les vieilles canailles, alors là vous explosez des scores. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais... Il faut que je pense, faites-moi penser à la fin de ce direct de mettre une petite publication Facebook pour dire à nos invités qu'ils n'ont pas à nous retrouver au Mamberthe, voilà, mais bien que directement à la Rouxière. Et donc dans le programme, à 22h, on aura la tombola, bien évidemment. Bien évidemment. Alors Léo et Chloé, je pense qu'on va terminer cette matinale maintenant. C'est super parce que j'ai très envie de me refaire un bol de céréales Lucien Georgelin, spécialité du Lot-et-Garonne. Et moi, j'ai très envie de me faire un bol de Léo va aux toilettes, spécialité de Léo Boiteau. Alors, j'ai oublié de dire dans le programme qu'on se retrouve à 18h pour un point Roux du Rock. Il y aura peut-être hier, ou il y aura peut-être d'autres points dans la journée ou ce soir dans la nuit. Voilà, en tout cas, restez connectés. C'est une possibilité. Retrouvez-nous à 18h pour potentiellement un avis sur Wedding Nightmare. Oui. Voilà. Ça serait super d'avoir un retour, un feedback. Exactement. Je vous remercie d'avoir été avec moi, c'est sympathique. C'est un plaisir. Merci Ophélie pour cette matinale très agréable. Merci à vous et merci à nos 5 auditeurs. Bonne journée aux 3 Irlandais et à Damien et Typhon. On vous dit à tout à l'heure, Damien et Typhon. Oui, pour la surprise de Damien. Allez. Wink, wink. Grosse bise. La matinale. La matinale, pardi. Ah que oui, la matinale. Écoutez les oiseaux qui chantent, ils se réveillent. Réveille-toi avec eux. Francis Cabrel. Et Ramista Fort. Chimène Palud. Sur Michel Polnareff. La Garonne. Le Lot et Garonne. Agen. Bruno d'Agen. Julien Burnot d'Agen. Griffouille. Félix Soulard. La matinale. La matinale. La matinale, pardi.